Quand me viendra l'heure d'arrêter les jeux de mon âge, à zéro les compteurs au moment de plier bagages, il ne me restera plus qu'à me pendre. Dernière volonté comme une offrande pour une érection. Mais avant de monter au ciel rejoindre Adam et Ève, j'aimerais recroquer la pomme ou jouir de la sève. Épargnez-moi les cierges ou la soutane, je veux expirer sous vos cuisses, mesdames, par strangulation. Je ne suis pas du genre à filer en douce à l'anglaise au tombeau avant de me rendre, faites que je sois chaud comme la braise. Victime d'une foudroyante vérole, emporté par une brouette espagnole vers ma concession. J'aimerais me laisser guider, soumis jusqu'à l'ultime demeure. Yeux bandés, menottés, qu'on me fasse voir du Seigneur. Soumise de dévotion, agenouillée, les adieux d'une grenouille de bénitier pour une fellation. Soumise de dévotion, agenouillée, les adieux d'une grenouille de bénitier pour une fellation.